on est obligé d'avertir que plusieurs choses qui étaient vraies lorsqu'on écrivit cette histoire en 1728 cessent déjà de l'être aujourd'hui en 1731. Le commerce commence par exemple à être moins négligé en Suède. L'infanterie polonaise est mieux disciplinée et a des habits d'ordonnance qu'elle n'avait pas alors. Il faut toujours, lorsqu'on lit une histoire, songer au temps où l'auteur a écrit. Un homme qui ne lirait que le cardinal de Retz prendra les Français pour des forcenés, qui ne respirent que la guerre civile, la faction et la folie. Celui qui ne lirait que l'histoire des belles années de Louis XIV dirait « Les Français sont nés pour obéir, pour vaincre et pour cultiver les arts. » Un autre, qui verrait les mémoires des premières années de Louis XV, ne remarquerait dans notre nation que de la mollesse, une avidité extrême de s'enrichir et trop d'indifférence pour tout le reste. Les Espagnols d'aujourd'hui ne sont plus les Espagnols de Charles Quint et peuvent l'être dans quelques années. Les Anglais ne ressemblent pas plus aux fanatiques de Cromwell que les moines et monsignori dont Rome est peuplée ne ressemblent aux Scipions. Je ne sais si les Suédois pourraient tout d'un coup avoir des troupes aussi formidables que celles de Charles XII. On dit d'un homme, il était brave un tel jour. Il faudrait dire, en parlant d'une nation, elle paraissait-elle sous un tel gouvernement et en telle année. Si quelques princes et quelques ministres trouvaient dans cet ouvrage des vérités désagréables, qu'ils se souviennent qu'étant hommes publics, ils doivent compte au public de leurs actions, que c'est à ce prix qu'ils achètent leur grandeur, que l'histoire est un témoin et non un flatteur, et que le seul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de nous, c'est d'en faire.